نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre explication de Surat al-Baqarah du livre Durus min al-Qur'an par le Cheikh Salih al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah. Donc le Cheikh on est arrivé à l'explication de وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ, c'est-à-dire il les laisse partir dans leur transgression et dans leur rébellion. يَسْتَدْرِجُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ فَلَا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَلَا يَفْضَحُ أَمْرَهُمْ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَمْرِئُوا النِّفَاقِ وَيَسْتَسِيغُوهُ والطغيان هو الخروج عن الحق. Donc le cheikh il dit que il les laisse avancer dans la rébellion et la transgression. Et la raison de ça en fait, c'est pour comme si Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il fait qu'est-ce qu'on appelle al-istidraj. C'est-à-dire c'est une forme de ruse qu'ils utilisent contre eux, comme ils ont essayé de ruser et de faire des complots ou de tromper les croyants et de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il les trompe de la même manière, c'est-à-dire il leur fait croire que tout va bien, que tout est correct, et il ne leur précipite pas leur châtiment dans cette dunya, et il n'expose pas ouvertement et tout de suite leur réalité et leurs affaires devant les gens, pour qu'ils continuent à avancer et s'approfondir de plus en plus dans leur hypocrisie et dans leur égarement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donc les laisse s'enfoncer dans leur tourian. Et à tourian, c'est quoi? C'est de quitter ou de sortir de la vérité, comme le cheikh dit. Après il dit wa qawluhu ya'mahoun ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي لا يهتدون أبدا والعمى هو الضلال الشديد والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que يعمهون والعمى, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont jamais être guidés. Il les laisse s'enfoncer dans leur rébellion de façon à ce qu'ils ne soient jamais guidés. Et qu'est-ce que c'est al-ama? C'est l'égarement profond, que Allah nous en protège. Donc le cheikh dit ثم ذكر لهؤلاء المنافقين مثلين لتوضيح حالهم للسامع. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il a frappé ou l'a donné deux paraboles ou deux exemples à propos des munafiqin pour clarifier leur situation et leur état à ceux qui entendent. Donc la première exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم شبههم بمن كان في صحراء مظلمة فاستوقدوا نارا يعني أوقدوا النار أو طلبوا من المؤمنين نارا ليوقدوها فأوقدوها وانتفعوا بها في أول الأمر فلما أضاءت ما حوله ورأى ما حوله وتبصره انطفأت النار فجأة أو فجأة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وهذا من استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم. La première exemple, c'est l'exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, leur exemple c'est comme celui qui a allumé un feu. Puis lorsque le feu a éclairé, qu'est-ce qui alentoure, Allah subhanahu wa ta'ala fait partir cette lumière, hein, fait partir leur lumière. Donc, le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ou a fait une ressemblance entre leur état et le fait d'une personne qui est dans un désert très très sombre et ténébreux, et donc il a fait cette personne a fait allumer un feu pour pouvoir voir autour de lui, soit qu'il fait un feu ou bien qu'il demande aux croyants d'allumer un feu, alors il l'allume, et lorsqu'ils l'ont allumé, la personne en profite pendant un certain temps, au début, hein, la personne, elle profite de cette lumière qui émane de ce feu au tout début. Mais une fois que le feu a éclairé ce qui est alentour et qu'ils ont vu ce qui est autour d'eux, hein, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala leur éteint ce feu-là, tout d'un coup, hein, subitement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur enlève leur feu et les laisse dans les ténèbres, ne voyant rien, hein, ne voyant plus rien. Et tout le monde sait que lorsqu'on a été soumis à une lumière, puis qu'on l'éteint subitement, l'obscurité paraît encore plus sombre et plus obscure que si on n'avait pas vu de lumière. Hein. Donc c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne à leur sujet. Et ça c'est une des façons dont Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux, c'est-à-dire il se moque des munafiqin de cette façon, étant donné que eux-mêmes ont essayé de se moquer d'Allah et des mu'minin, donc il les punit d'une punition qui correspond à leur transgression et à leur péché, yani. Après, le cheikh explique la deuxième exemple. والمثل الثاني مثل إنسان أصابه صيب أي مطر فيه ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر فهو واقع في ظلمات وهذا مثل المنافقين هم في ظلمات ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الشك وظلمات كثيرة وهذا هو المراد بقوله أو كصيب من السماء يعني بالسماء السحاب فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Donc le cheikh il explique, il dit que le deuxième exemple c'est comme un homme qui a été frappé ou qui a reçu qui est en plein milieu d'une pluie, hein. Et dans cette pluie là il y a des ténèbres, il y a de l'obscurité, ظلمات, hein. Il y a premièrement l'obscurité de la nuit, l'obscurité ou les ténèbres qui sont créées par les nuages également, et également l'obscurité de la pluie. Donc c'est des ténèbres par-dessus d'autres. Hein? C'est pas une seule obscurité, mais c'est des obscurités ou des ténèbres un par-dessus l'autre. Et ça c'est l'exemple des munafiqin. Ils sont également dans des ténèbres, comme par exemple le ténèbre du kufr, hein, le ténèbre du nifaq, de l'hypocrisie, et le ténèbre du doute, les ténèbres du doute. Et donc c'est plusieurs formes de ténèbres et d'obscurité rassemblées ou réunies. Et le cheikh il dit que c'est ça la signification lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit أو كصيب من السماء, hein, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sama dans ce verset-là, ou comme une pluie qui vient du ciel, en fait c'est des nuages. Fihi zulumatun, il y a dedans des obscurités, des ténèbres, et des éclairs, et des tonnerres et des éclairs. Ra'dun wa barq, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause des éclairs. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause du bruit et tout. Donc le cheikh dit fihi ru'udun shadida wa fihi barqun shadid fa hum waqa'u fi ru'bin shadid zulumatun la yubsiruna ma'aha wa ra'dun shadidun qasifun yakhshawna an yaqsa'a an yasqa'ahum aw pardon yakhshawna an yas'aqahum والعياذ بالله وبرق شديد خاطف يخطف أبصارهم. Donc le cheikh il dit que ils sont dans des tonnerres très très forts et des éclairs, et donc ils sont apeurés et effrayés. Donc ils sont entourés d'obscurité et de ténèbres, ils ne voient rien, et il y a le bruit. Et il y a les éclairs qui risquent de les foudroyer, et qu'Allah nous en protège. Et yani, par la suite il y a yani, encore une fois les éclairs qui les aveuglent. Avec à chaque fois que l'éclair tombe, eh ben ça fait de la clarté, et subitement quand l'éclair s'en va, eh ben la personne reste encore dans l'obscurité yani, profond. Donc c'est pour ça le cheikh il explique par la suite: yakadu al-barq yakhtafu absarahum kullama adaa lahum ma shaw fihi. Chaque fois que l'éclair tombe et le tonnerre, yani subhanallah, c'est comme si ça pourrait presque leur enlever la vue. Et chaque fois que l'éclair tombe, ça éclaire le chemin, donc ils marchent un peu, hein. Et donc après, lorsque l'obscurité revient, il s'arrête. فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا يَعْنِي وَقَفُوا لِأَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce qu'ils ne voient plus rien. Donc quand il y a l'éclair, ils marchent un petit peu parce qu'ils voient. Et quand l'éclair part, là ils ne voient plus rien, ils sont dans l'obscurité, alors ils s'arrêtent. هَذَا الْمِثَالُ مِثَالُ الْمُنَافِقِ إِنْ جَاءَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ عَاجِلٌ تَمَسَّكَ بِهِ وإن أصابته فتنة أو أصابه ضر أو محنة فإنه يتوقف ويشك في الإسلام. Donc ça c'est l'état et la situation du munafiq, de l'hypocrite. Si quelque chose de bien lui arrive dans les choses de l'islam parce qu'il l'a appliqué ou pratiqué, bon là il dit mashallah, ça c'est une bonne religion. Mais si une épreuve l'atteint, ou si quelque chose de mal ou une difficulté l'atteint dans l'islam, et bien là il s'arrête et il commence à douter en l'islam. فمعنى قوله وإذا أظلم عليهم قاموا أي إذا حصل لهم محن شديد وشدائد محن وشدائد وامتحان من الله فإنهم يشكون في هذا الإسلام. Donc quand ils ont des difficultés, des épreuves, et des tests, tout ça, lorsque ces choses-là arrivent, eh bien, ils commencent à avoir des doutes en l'islam. يقولون هذا ما جاءنا بخير. Ils disent ça, cette religion-là ne nous amène pas du bien. فمثلهم كمثل الذي أصابه الصيب في الليل وحصل عنده هذه الإفزاعات إذا أضاء له البرق مشى وإذا انقطع البرق وقف لأنه لا يدري أين يذهب وهؤلاء مثله إذا جاءهم من الإسلام خير استمروا فيه كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit, leur exemple c'est ça, c'est l'exemple d'une pluie qui tombe en pleine nuit, hein, et qui leur arrive toutes ces difficultés-là et toutes ces choses-là dans la nuit, hein, de l'éclair, les éclairs et tout ça. et le fait que lorsqu'il voit la lumière, il marche, et lorsque l'éclair disparaît, eh bien là, yani, ils ne savent plus où ils s'en vont. En réalité, c'est ça la réalité. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Et c'est l'exemple de qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, yani. Lorsqu'ils voient que l'islam leur amène un bien, ils marchent. Et lorsque ils voient que yani, l'islam amène des difficultés ou des choses de ce genre-là, ils s'arrêtent. Et c'est comme le cheikh, il mentionne un autre verset qui est dans Suratul Hajj. Verset 11 qui dit, et parmi les gens, il y en a parmi les hommes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Si un bien l'atteint à cause de l'islam, là il est en sécurité, il est en paix. Mais si une épreuve ou quelque chose de difficile l'atteint à cause de l'islam, eh ben il retourne sur ses pas, il tourne sa tête. Donc c'est des exemples de personnes de ce genre, c'est des gens qui ont perdu et qui ont perdu leur dunya et leur akhirah. Donc le cheikh dit فَمُدَّعِ الْإِيمَانِ لَا بُدَّعِ أَنْ يُمْتَحَنْ فِي الدُّنْيَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِيَظْهَرَ صِدْقُ إِيمَانِهِ مِنْ كَذِبِهِ. La personne qui prétend être un mu'min, il faut que cette personne-là soit testée dans sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens croient qu'on va les laisser dire je crois, آمنا, nous croyons, et qu'ils ne seront pas testés, وهم لا يفتنون. Donc ça c'est يعني, il ne faut pas penser ça, parce qu'Allah il dit par la suite ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a testé ceux qui étaient là avant eux, et donc on les teste dans le but de savoir qui est véridique et qui est un menteur. Donc ça c'est le but des épreuves et des tests qui atteignent une personne dans sa foi. Et parfois quelqu'un est converti à l'islam ou commence récemment à pratiquer l'islam, et à cause du fait qu'il commence à pratiquer l'islam, toutes sortes d'épreuves tombent sur lui une après l'autre. Subhanallah, il y a certaines personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste de cette manière. Quelqu'un commence à porter la barbe, commence à faire les salawat, commence à respecter les règles de la charia et tout dans sa vie, dans sa famille, dans sa maison. Là il a des épreuves de la part de sa famille, il a des épreuves de la part de ses amis, il a des épreuves au travail, il a des épreuves dans plusieurs aspects de sa vie, subhanallah. Et donc la personne doit faire preuve de patience et d'endurance, parce que si la personne ne fait pas preuve de patience et d'endurance dans ces tests-là et dans ces épreuves-là, eh ben, elle risque de retourner sur ses pas. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut savoir que tout ça, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut rester ferme. Que Allah nous raffermisse le cœur et qu'il augmente notre sincérité et notre foi en lui. Après, le cheikh, il dit, donc que Allah il fait ça, c'est dans le but de tester, de voir notre sincérité. Après il dit فالذي إيمانه غير صحيح ينقلب على عقبيه ويكفر كالمنافق. Donc celui que sa foi n'était pas sincère, n'était pas correcte, il retourne sur ses pas, il retourne en arrière et il va vers la mécréance comme l'hypocrite. أما الصادق وأما الصادق الإيمان فهذا ثابت إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر وهذا هو المؤمن. Tandis que celui dont la foi était sincère, si sa foi était sincère, lui il reste ferme. Si un bien l'atteint, il remercie Allah, et si un mal l'atteint, il est patient, et ça c'est l'attitude du mu'min. أما المنافق فهو بالعكس. Le munafiq c'est le contraire. إن أصابه خير أظهر الإطمئنان. Si un bien l'atteint, il montre qu'il est en sérénité et en paix. وإن أصابته فتنة كفر بالله والعياذ بالله وظهر ما عنده من المكنون ظهر النفاق الذي في قلبه. Et quand un mal l'atteint, ou une épreuve, ou une difficulté, eh ben, il rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa l'ayyadu billah, car Allah nous en protège. Et il fait paraître ce qu'il cachait de l'intérieur de, dans l'intérieur de son cœur, de l'hypocrisie qui était dans son cœur. Et le cheikh il dit, والله سبحانه وتعالى أنزل في المنافقين كثيرا من الآيات أنزل فيهم سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحتهم. الله سبحانه le cheikh il dit que Allah سبحانه وتعالى il a révélé dans sourate التوبة plusieurs versets qui parlent des munafiqin. Et souvent on appelle cette surah At-Tawbah, on l'appelle également par un autre nom, Al-Fadiha, c'est-à-dire celle qui vient pour démasquer les hypocrites. Il y a également une autre surah qui est Surat Al-Munafiqoun, on l'appelle par ce nom-là, Surat Al-Munafiqoun, qui commence en disant إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Lorsque les hypocrites viennent vers toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Donc ça c'est une sourate entière qui parle des munafiqin. Idafatan ila ma ja'a anhum fi surat an-nisa wa al-imran wa al-ankabut wa ghayriha. De plus que, en plus de ce qui est venu au sujet des munafiqin, dans surat an-nisa, et dans Al-Imran, et dans Al-Ankabut, et dans beaucoup d'autres versets, et dans plusieurs sourates également. Et le cheikh dit, وَكَثِيرٌ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ فِيهَا بَيَانُ حَالِ الْمُنَافِقِينَ وَذَلِكَ لِخَطَرِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلِأَجْلِ أَنْ يَحْذَرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ. Donc le cheikh dit que dans beaucoup de versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie la situation et l'état des munafiqins, des hypocrites, à cause du danger qu'ils représentent pour les musulmans, et dans le but que les musulmans puissent prendre garde et faire attention à ces gens-là. وَمَا أَكْثَرُهُمْ وَلَا كَثَّرَهُمُ اللَّهُ الْآنَ يَعِيشُونَ بَيْنَنَا وَيَبُثُّونَ سُمُومَهُمْ وَشَرَّهُمْ وَهُمْ أُنَاسٌ مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا وَهُمْ يَتَسَمَّوْنَ بِالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. Donc le cheikh il dit, et comme ils sont nombreux, que Allah ne les augmente pas aujourd'hui, ils sont nombreux aujourd'hui, ils vivent parmi nous et ils répandent leur venin, leur poison, et leur mal parmi les musulmans. Et ce sont des gens qui sont de, comme il dit, min bani jildatina, ce sont des arabes. Et ils parlent notre langue, c'est-à-dire ils parlent la langue arabe. Et le cheikh il dit, et ils se donnent ils se donnent le nom de, c'est-à-dire ils s'appellent comme étant des musulmans et des croyants, donc ils s'apparentent à, ils disent appartenir à l'islam et à la foi, donc alors qu'en réalité ils n'ont pas de foi en l'islam. Mais ils sont nombreux, ces gens-là sont nombreux dans les pays musulmans aujourd'hui. Et comme le cheikh a expliqué plus tôt, plus les musulmans sont forts, et bien plus il y a de l'hypocrisie. Et plus les musulmans sont faibles, et plus moins on voit d'hypocrisie. Ou bien en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand les musulmans sont faibles, et bien les munafiqin n'ont pas peur d'exprimer ouvertement leur nifaq, leur hypocrisie, et donc on les entend maintenant aujourd'hui, puisque les musulmans sont dans une période de faiblesse, on les entend encore plus fort que d'habitude crier et parler et attaquer l'islam et les musulmans et la sharia et le hijab et tout ce qui a rapport avec le din. Donc ils sont en train de faire leur travail comme ils pouvaient pas le faire lorsque les musulmans étaient forts, et ben là ils en profitent étant donné que les musulmans sont faibles. Mais inshallah, comme on dit, al-aqibatu lil-muttaqin, la bonne fin est toujours pour les mu'minines et pour les gens qui ont la crainte en Allah. Donc c'est temporaire, cette faiblesse elle est temporaire. Et lorsque la foi et que les mu'minines reviennent à l'islam tel qu'il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils reviennent à la da'wa et au manhaj des salaf, eh bien on va voir que de plus en plus cette situation de faiblesse des musulmans va diminuer, et que les musulmans vont se renforcer petit à petit, hein, et que les musulmans vont de plus en plus augmenter en force et en foi et en connaissance et en piété, et inshallah la situation va changer, parce que après tous ces siècles d'ignorance, de bid'a, de shirkiyat, de toutes sortes de déviations qui sont apparues dans la umma, eh ben ça peut pas disparaître du jour au lendemain, et ça prend et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de temps, hein, pour essayer de corriger toutes ces erreurs et ces faussetés et ces égarements parmi les mu'minines. Donc il faut travailler dans nos familles autour de nous, appeler les gens, expliquer aux gens la réalité de l'islam, et puis dans nos pays musulmans, il faut également qu'il y ait des tulab ilm, des gens qui vont étudier le din et qui vont étudier l'arabe et le Coran et la sunna et la sharia et l'aqida et toutes ces choses-là, pour retourner, pour enseigner aux gens leur religion, hein. Plus il y aura des tulab ilm, plus il y aura des ulama, plus il y aura du ilm qui va être répandu et de la science qui va être propagée, et que les musulmans vont apprendre et appliquer leur religion, plus la situation des musulmans va augmenter, hein. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Maintenant on a terminé cette partie de sourate al-Baqara, et donc le cheikh il expliquait uniquement les 20 premiers versets. Donc maintenant qu'on a terminé cette partie, il y a une autre partie qui s'appelle al-Islam al-Am fi al-Qur'an al-Karim. Donc ça c'est le quatrième cours dans le livre du cheikh, c'est-à-dire l'islam général tel qu'il est expliqué dans le Coran. Donc on va commencer cette partie maintenant inshallah. الشيخ الدين معنى الإسلام الإسلام يراد به ما يقابل الشرك والكفر والأديان الباطلة فإذا قيل دين الإسلام فالمراد به ما يقابل الأديان الأخرى الباطلة. Donc le cheikh il dit que c'est quoi la signification de l'islam, qu'est-ce qu'on veut dire par l'islam? Le cheikh il dit l'islam c'est qu'est-ce qui est opposé au shirk et au kufr et aux fausses religions. Donc si on dit la religion de l'islam, qu'est-ce qu'on entend par ça? On entend yani tout ce qui est opposé aux autres fausses religions. Wa ta'rifuhu fi al-lugha al-inqiyad yuqal aslama wa istaslama idha inqad. Donc la définition linguistique du mot islam c'est al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission. Et on dit aslama wa istaslama, c'est-à-dire se soumettre, hein, et obéir. Donc al-inqiyad c'est ça, c'est de soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ça c'est dans la langue, et dans la sharia c'est la même, presque la même signification, sauf que ça on ajoute quelques clarifications pour donner le sens religieux à ce mot-là. شيخ ديوا في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc le cheikh il dit que dans la religion ou dans la sharia, le mot islam ça signifie de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par son tawhid, hein, dans ces trois catégories qu'on a déjà expliquées, hein, c'est donc d'appliquer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والانقياد له بالطاعة et de se soumettre à lui en obéissance, والخلوص من الشرك وأهله et de se désavouer et de s'éloigner et de retirer toute forme de shirk et de se désavouer de ceux qui le pratiquent ou de ceux qui commettent le shirk. D'accord, ça c'est ça la définition dans l'islam du mot islam dans la sharia, hein. Et puis actuellement on entend une da'wa de la part de certains parmi les Hizbiyyins, c'est comme s'ils essaient de présenter une drôle de forme, une drôle de manifestation ou d'interprétation de l'islam. Et ils disent que l'islam c'est la religion de l'amour et l'islam c'est la religion de la paix, hein. Comme Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans plusieurs de ses durus. Donc, et qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là? C'est, en fait, ils essaient de nier certains aspects de l'islam, comme par exemple, al-wala al-bara, hein, le fait de s'allier, de se désavouer des mushrikines et de détester les kuffars. Donc, ils essaient de présenter l'islam un peu comme une religion, un peu comme le christianisme, yani, que on doit aimer tout le monde, même les gens qui sont pas sur le droit chemin, qui sont pas sur la foi. Et ils essaient de présenter l'islam en disant bon, l'islam c'est la religion de la paix et le mot islam ça vient de paix, etc. Et par là ils essaient de nier que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple a légiféré yani le combat pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Et yani donc ils ont toutes sortes de ta'wilat, toutes sortes d'interprétations fausses au sujet de ces termes là puis de ces choses là. Yani, et étant donné que dans à ce sujet-là, il y a toujours deux extrêmes, eh ben ces gens-là, ils ont vu qu'il y avait un extrême de la part de certains groupes, comme par exemple les Khawarij, hein, qui font des attentats terroristes et qui tuent des innocents et qui font qui transgressent, yani, sur la terre et qui sèment le désordre en mettant des bombes partout et en se faisant sauter eux-mêmes. Hein, se faisant des actes de suicide et des choses de ce genre, ou qui par exemple font exploser des lieux publics, hein, des endroits, des immeubles ou des choses de ce genre, et qui font ça au nom du djihad. Donc tout le monde a vu que ça c'était des formes d'égarement et de transgression et des choses qui sont contradictoires avec la sunna. Donc il y a cet extrême et les ulama ont dénoncé ces affaires là et ils ont parlé contre ces choses là Maintenant, eux, c'est certains de ces musulmans-là, ils ont essayé de répondre à cet extrême par un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de dire non, dans l'islam, yani, l'islam c'est la paix et l'amour, la religion de l'amour et la paix, donc il faut dire que yani, ça n'existe pas dans l'islam du tout, le djihad c'est juste en cas de défense et c'est un combat pour la justice. Uniquement, sans définir et sans donner une explication islamique de la justice. Hein. Il laisse la justice, il laisse le terme justice dans sa définition chez les kuffars. C'est-à-dire une définition de la justice qui est très, très large et très vague. Hein. Comme si, ça par rapport avec la justice telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne. Et Il ne parle pas non plus de l'injustice du plan islamique ou sur le plan islamique. Parce qu'on sait que dans l'islam, c'est quoi la plus grande injustice? La plus grande injustice, c'est le shirk. Hein? Donc, yani, il ne parle pas de ça de ce point de vue-là. Et donc, yani, c'est un autre extrême. Donc, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne tombe ni dans un extrême ni dans l'autre. On appelle les gens à suivre l'islam tel qu'il a été révélé par Allah et par son messager, selon la compréhension des salaf salih, sans rajouter et sans enlever quoi que ce soit. Donc, quand on voit par exemple les attentats ou les choses de terrorisme que ces gens-là font, certains parmi les musulmans qui sont déviés, on reconnaît leur égarement, puis on dit ça, c'est des gens qui sont sortis de la voie de la sunna. Hein? Et ce sont des khawarij en réalité, comme les ulama ont expliqué. Donc on rejette cet extrême et cet égarement-là. Et l'autre aspect de ceux qui, par exemple, nient al-jihad, ou l'autre extrême de ceux qui nient le jihad et qui nient al-wala wal-bara et qui disent qu'il faut aimer tout le monde, les kuffars et les mushrikines, et qu'on n'a pas le droit de détester tout le monde et de détester quiconque, et que l'islam c'est la religion de l'amour, eh bien on les rejette également parce que c'est une forme d'extrémisme. Et on dit non, on déteste les kuffars, mais ça ne veut pas dire que on a le droit d'être injuste avec eux ou de leur faire du mal, yani, ou bien de les tuer comme ces égarés-là, comme par exemple les gens de, parmi les gens de Bid'a, comme les Khawarij actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Yani, ils mettent des bombes dans des autobus ou dans des endroits publics pour tuer les kuffars, et ils contredisent en faisant ça les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets dans le Coran qui nous interdisent de tuer les gens qui nous combattent pas, ou qui sont yani, des civils, ou qui sont des femmes et des vieillards et des enfants. Donc ces gens-là, ils ont transgressé la charia, et également par le fait qu'ils se donnent à eux-mêmes une autorité qu'ils ne possèdent pas réellement. C'est-à-dire, c'est uniquement les chefs d'État qui déclarent le djihad dans l'islam et qui font le djihad, et c'est pas à un groupe parmi les musulmans qui sont une partie de la population, hein, de se mettre à la position du waliul amr, du chef de l'État, pour essayer de déclarer la guerre contre qui ils veulent. Donc ça se fait pas. Ça se fait pas dans, chez les koufars. Hein, les koufars, il n'y a pas un groupe dans le pays, en France ou au Canada, qui va décider par eux-mêmes de dire, bon, nous, on va déclarer la guerre à l'Espagne ou à la Suisse ou à un autre pays. Hein, ça doit venir d'un commandement, ça doit venir du chef d'État. Donc la même chose dans l'islam, c'est la même chose. C'est pas un parti ou un groupe dans la population qui a le droit d'appliquer les châtiments de l'islam, comme de lapider les gens qui font l'adultère ou de couper la main des voleurs. Et la même chose pour le djihad, c'est pas un groupe de la population de se donner une autorité qu'ils n'ont pas et de décider qu'ils peuvent appliquer le djihad ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est pour clarifier ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui, parmi les musulmans, tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, hein, soit qu'il est rentré avec un visa, ou bien il y a une entente entre le gouvernement musulman et de son gouvernement et le gouvernement des koufars, qu'il y a une entente entre leurs deux gouvernements et qu'ils ne sont pas en guerre, et donc c'est interdit de tuer un de ces koufars-là, et on les appelle al-mu'ahadoun, ceux qui ont une entente ou un pacte avec les musulmans, et ceux qui font qui tuent un de ces koufars-là de cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Donc c'est des choses sérieuses, c'est des choses graves, et il faut faire attention à ces formes de da'awat, hein, qui sont présentes actuellement et qui ont été réfutées par les ulama. Donc ça, c'était juste un point que je voulais mentionner pour clarifier cette chose-là, parce que c'est très important dans le temps actuel, puisqu'il y a beaucoup de confusion parmi les musulmans à ce sujet-là. Après, le cheikh il dit « فَإِنَّ الْمُسْلِمِ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْاِسْتِسْلَامِ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ » Le musulman, il ne peut pas réunir entre la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à autre que lui. وَلِهَذَا مَنْ اِسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكِ » C'est pour ça que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et à autre que lui, eh ben, il est mushrik. Tu peux pas te soumettre à Allah et à quelqu'un d'autre en même temps. Tu dois te soumettre entièrement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَبَى أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلَّهِ فَهُوَ مُسْتَكْبِرُ Et celui qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui c'est un orgueilleux, une personne fière. Hein, et il est kafir également, comme Iblis, la'anallah, quand il a refusé de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé de se prosterner et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et il l'a déclaré kafir à cause de ce refus-là, parce qu'il s'est rempli d'orgueil. Et le cheikh dit, قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le verset que le cheikh a mentionné, c'est celui qui dit, certes celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est bienfaisant, qu'il fait le bien, eh bien, il aura la récompense, ou il aura sa récompense auprès de son Seigneur, et il n'aura aucune crainte, et il n'aura pas non plus de tristesse, ou il ne sera pas attristé. Et le cheikh dit, هذا هو الإسلام الإخلاص لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني أهل الشرك فيبغضهم ويعاديهم. Donc le cheikh il dit que yani al-ikhlas, l'islam c'est d'être sincère et de purifier notre adoration et notre tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance, de se désavouer du shirk et de des gens qui pratiquent le shirk, et c'est-à-dire les gens du shirk, il faut les détester, il faut s'opposer à eux, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ça l'islam, c'est ça la signification de l'islam en résumé, hein. Donc ça s'oppose clairement à la notion et à la compréhension de ce que représente l'islam chez certains parmi les modernistes actuellement dans le monde musulman, qui essaient de dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, que yani, y a pas de kuffar, les gens du livre sont des musulmans ou sont des croyants, il faut pas les déclarer kuffar, l'islam c'est la religion de l'amour et de la paix, il faut pas dire que les juifs et les chrétiens vont être en enfer, ou des choses de ce genre. Yani, toutes ces idées-là et ces positions-là sont contraires à l'islam. Et en réalité, ces gens-là appellent à quoi? Ces gens-là appellent à l'humanisme. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un islam humaniste, hein, de transformer les enseignements de l'islam pour qu'ils soient en accord avec les notions des athées parmi les humanistes de l'Europe et des autres pays, hein, que on est tous des êtres humains, puis que étant donné qu'on est tous des êtres humains, on est tous des frères, il faut pas se diviser à cause d'une religion ou à cause de la foi, hein. L'important c'est qu'on fasse le bien, et peu importe si tu fais du bien, tu fais pas de mal à personne, c'est ça qui est bien. Donc ça c'est une da'wa batila, c'est une conception, une idée complètement opposée à l'islam. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais ces gens-là, étant donné, comme on a parlé des munafiqines tout à l'heure, hein, étant donné qu'ils ont eu des doutes dans l'islam, qu'ils n'ont pas compris les notions de tawhid et les principes fondamentaux de l'islam, eh bien, ils ont commencé à avoir des doutes. Et ces doutes-là les ont amenés à essayer d'interpréter l'islam selon une autre lumière, hein. Ils ont lu les enseignements des kuffars, des droits de l'homme, et les enseignements des kuffars sur l'humanisme et toutes ces choses-là, et ils ont trouvé qu'il y avait plus de justice en ces choses-là que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur ignorance et de leur incompréhension. Et donc à cause de ça, yani, ils ont commencé à essayer d'interpréter l'islam à la lumière de ces philosophies, de ces théories des kuffars, yani, pour essayer de se faire une conscience plus nette, yani, alors qu'en réalité ils ont contredit le Coran et la Sunna. Donc c'est important de comprendre, très important de comprendre ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est répandu là. Il y a des groupes là comme Présence Musulmane et certains autres penseurs là actuellement, ils sont en train d'appeler les musulmans à ces idées-là, et ça c'est très dangereux parce que ça amène les musulmans au kufr. Il faut bien comprendre ça, c'est très dangereux ces idées-là qu'ils sont en train de répandre, hein. Et Allahu a'lam, mais peut-être que derrière ces gens-là il y a des kuffars qui sont en train de travailler, hein, parce que c'est des idées vraiment diamétriquement opposées à l'islam. Après le cheikh dit, wa huwa bi hadha at-ta'rif yashmalu jami'a din ar-rusul alayhim as-salatu was-salam far-rusul kulluhum ala din al-islam wa kulluhum mustaslimuna lillahi bit-tawhid wa munqaduna lahu bit-ta'ah mukhlisuna lahu al-ibadah mutajannibuna lish-shirki wa mu'aduna li ahlihi فكلهم مسلمون ودينهم هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم Donc le cheikh il dit que voici la définition de l'islam telle qu'on l'a donnée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de purifier notre tawhid pour Allah et de se soumettre à lui par notre en obéissance et de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Voilà l'islam. Et c'est ça la définition de l'islam et ça comprend toute la religion de tous les messagers. Hein, tous les messagers sont venus avec ça. Hein, tous les messagers étaient musulmans et ils sont tous venus avec la religion de l'islam. Et ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec leur tawhid. Et ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en obéissance à lui. Et ils étaient tous sincères dans leur adoration et ils adoraient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'éloignaient du shirk et ils s'opposaient à ceux qui le pratiquaient et ils les détestaient. Donc ils sont tous musulmans, tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient tous des musulmans et leur religion c'était l'islam. Même si certaines règles qui sont venues qu'ils ont amenées dans leur loi étaient parfois différentes entre elles, mais la base du message et des principes à la base c'était toujours l'islam, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance. Selon ce qu'il a légiféré et ordonné à chaque époque, hein. Et quand on dit à chaque époque, eh ben quand on dit notre époque actuellement, c'est l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époque du Coran. Donc comme certains par exemple qui pensent que il faut changer l'islam avec notre époque parce qu'on est au 20e siècle, il faut réformer l'islam et qu'il faut amener une nouvelle version de l'islam. Ça c'est batil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et la sunna pour qu'elle soit appliquée jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Il n'y a pas une nouvelle islam qui va arriver vers la fin des temps, c'est-à-dire on va commencer à changer les enseignements de l'islam et rejeter ce qui est établi. Et contrairement à certains qui essaient d'interpréter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala à la tête de chaque 100 ans il va faire venir quelqu'un pour revivifier ou renouveler les principes de sa religion, certains interprètent ce hadith en disant que ils vont venir pour parce qu'en fait c'est yujaddid ou la hadina. Et à Tajdid, eux, ils l'ont compris comme signifiant qu'ils vont réinterpréter ou recomprendre ou faire une relecture, comme ils disent, des textes. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Ils vont pas faire une relecture des textes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener les principes de l'islam, du Coran et de la Sunna que les musulmans ont oubliés. Ou bien que certains groupes ou certaines personnes parmi les Mubtadi'a ont essayé de changer ou ont essayé de déformer et ils vont ramener le message de l'islam à sa pureté originale et à sa compréhension pure et originale au tout début. C'est ça ce que ça signifie at-tajdid, hein, contrairement à certains qui essaient de nous donner une nouvelle version actuellement là de l'islam, islam européen, islam américain, islam canadien. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de nous faire un islam français, un islam américain, un islam canadien. Allah musta'an. Il n'y a qu'un seul islam et c'est l'islam qui a été envoyé dans le Coran et dans la Sunna et compris selon la compréhension des sahaba. Voilà l'islam. C'est pour ça, et c'est ça qui distingue la da'wah salafia de toutes les autres da'wat actuellement qui sont présentes parmi les groupes et les jama'at et les sectes et les groupes déviés comme les ikhwan al-muflisin et comme les jama'at al-tablir et comme les autres groupes politiques dans les pays musulmans. Tous ces groupes et toutes ces personnes, yani, appellent les musulmans à différentes versions et différentes formes d'égarement. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc cette da'wah salafia, elle se distingue de tous ces groupes-là parce qu'elle appelle et elle ramène les musulmans à la compréhension des salafs. Tandis que ces autres groupes, ils appellent les musulmans à la compréhension, il y en a d'autres que les salafs qui sont venus par la suite et qui se sont déviés ou qui se sont divisés entre eux. Hein? C'est pour ça que quelqu'un n'a pas le choix d'être salafi s'il veut être un musulman qui est sur le droit chemin, parce que soit tu es sur la voie des salafs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ou soit tu es sur une autre bid'a ou un autre manhaj qui a été inventé et fabriqué par la suite, qui n'a pas de référence ou d'origine dans les premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire la période des sahaba. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a laissé les sahaba unis et il a laissé les sahaba sur une forme d'islam et une seule compréhension de l'islam. Il n'y avait pas différents groupes, différentes sectes, différentes aqaïd, différentes croyances. Ils étaient tous sur une seule et même aqida et une seule et même voie. Et même si, quand il y a eu des différences entre eux, les différences étaient uniquement sur des questions secondaires et jamais dans les choses fondamentales et dans les principes de base de l'islam. Et même quand il y a des différences entre eux, entre les salafs, eh bien Allah nous ordonne de retourner au Coran et à la Sunna. Allah dit وَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Hein, si vous avez une divergence en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Hein? Donc il faut le ramener au Coran et à la Sunna. C'est pas comme certains qui disent al-ikhtilaf rahma, hein, la différence ou la divergence est une miséricorde. Ça, c'est même pas un hadith. Hein, Cheikh Al-Albani, dans l'introduction de son livre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que ça, c'est même pas un hadith. C'est quelque chose qu'ils ont rapporté, qui a même pas d'isnad. Hein? Et même la version qui a une isnad, c'est même, elle est da'ifa, elle est faible. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il contredit ce que ces gens-là disent en disant, وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Hein? Et ils continueront à avoir des divergences et à être divisés, ou à être en désaccord, illa man rahima rabbuk, excepté ceux pour qui Allah a eu sa miséricorde. Donc ça prouve que ceux à qui Allah a fait sa miséricorde ne sont pas en désaccord, ils sont unis, ils sont d'accord entre eux. Donc eux, ils pensent que le fait qu'il y ait des différences entre les ulama et entre les madahib, etc., que ça ce soit plus de choix, ils ont plus de choix de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire parmi les différences d'opinion. Non, ça ne veut pas dire ça. S'il y a différence d'opinion, tu dois retourner à la preuve et essayer d'analyser selon ce que tu es capable d'analyser, laquelle d'entre ces positions-là est plus près des preuves du Coran et de la Sunna. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer l'importance de bien comprendre la réalité de l'islam. Donc quand on a compris que tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec la même religion, on comprend également que aujourd'hui l'islam, c'est la seule religion qui peut être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit fa inna l'islam huwa al-inqiyadu lillah, on a expliqué ça déjà. نعم دونك والشرائع اوكي انا اكسبليكي سا ابري دي ولهذا وصف الله تعالى نوحا بانه مسلم قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. Le cheikh il mentionne une partie du verset dans c'est Sourate Younes, le verset 71-72. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et récite-leur les nouvelles de Noé, lorsqu'il a dit à son peuple, ô mon peuple, si ça vous dérange, le fait que je vous ai, que je me suis tenu et que je vous ai rappelé des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sachez que c'est en lui que je, en Allah que je mets ma confiance. Et rassemblez toutes vos affaires et vos associés en dehors d'Allah, puis, yani, essayez de juger et puis n'attendez pas, c'est-à-dire essayez de vous mettre contre ce message que je vous amène et n'attendez pas, et si vous vous détournez, alors moi je vous, sachez que je vous ne demande pas aucune récompense et aucun salaire. Mon salaire et ma récompense, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui va me le donner, et moi j'ai été commandé d'être parmi les gens qui sont musulmans, hein, muslimines, ça veut dire d'être parmi les musulmans. Et le cheikh il dit, ay al-mustaslimina lillah al-munqadina lahu bit-ta'a, c'est-à-dire ceux qui se sont soumis à son ordre et qui sont soumis par leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose à propos de Ibrahim alayhi salam. عليه الصلاة والسلام وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله dit à propos de Abraham, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman hanif, un pur monothéiste. وما كان من المشركين, il faisait pas partie des idolâtres, des mushrikin, des gens qui font le shirk, qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-dedans, il y a une réponse à ceux qui prétendent que il y a trois monothéismes, hein, et qui prétendent que ils peuvent suivre n'importe quelle des trois religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, et que ce sont les trois religions monothéistes et que Abraham était sur cette religion-là. Et ça, c'est faux, hein. Comme Allah il dit même dans le Coran, que Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman. Il ne faisait pas partie des mouchriquins. Donc on voit clairement dans ce verset-là la réponse de cette shubha ou de cette idée de la part de certains parmi les gens d'égarement aujourd'hui. Et quand on voit aussi également que Abraham était avant Moïse, qu'il était avant la Torah, donc il ne pouvait pas être un, il ne pouvait pas être un juif, et également il était avant Jésus et avant l'Injil, donc il ne pouvait pas être un chrétien, hein. Et quand on voit dans ça qu'il y a une réfutation même claire des juifs et des chrétiens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc si on regarde, comme j'avais déjà expliqué une fois, si on regarde dans le livre des chrétiens, on ne trouve aucun endroit où Jésus dit aux gens, vous devez être chrétien. Et la religion à laquelle j'appelle les gens, c'est le christianisme. Au contraire, on le voit expliquer aux gens que sa religion, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à ses ordres, hein, et de respecter ses commandements. Et c'est ça la religion de tous les messagers. La même chose pour Moïse, hein, il appelle les gens à croire en Allah, à se soumettre à sa loi et à respecter ses messagers. Donc ça, c'est la religion de tous les prophètes, et c'est ça l'islam. Moïse n'a pas dit, soyez des juifs et ma religion c'est le judaïsme, hein. Vous ne trouvez même pas ça dans leur livre actuellement. Après, le cheikh il mentionne un autre exemple, il dit, wa haka anhu wa an Ismaïl annahu ma qala ربنا واجعل لنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Donc dans ce verset là, Abraham et son fils Ismaïl, il dit, et fais de nous deux des musulmans soumis à toi, et ainsi de nous que de nous, notre progéniture, yani de nos enfants, une umma qui est soumise à toi, et montre-nous nos manasiks, et yani, accepte notre repentance et certes tu es celui qui accepte la repentance et le miséricordieux. D'accord, et donc c'est des preuves que tous les messagers ont appelé à l'islam. Il dit wa haka an yaqub annahu qala ya bunayya inna Allah istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jacob a dit à ses enfants: oh mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez pas sans être musulmans. Sans être musulmans. Ay mukhlisuna lahu al-ibada munqaduna lahu bit-ta'ah. C'est-à-dire en purifiant votre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et en restant soumis et en obéissant à ses ordres. Et il dit wa haka an Musa alayhi salatu wassalam annahu qala yaqumu ya qawm na'am وحكى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Et il dit les paroles de Moïse lorsqu'il a dit: oh mon peuple, si réellement vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, alors mettez votre confiance en lui, seul, si réellement vous êtes des musulmans. Hey, munqaduna, si vous êtes des gens qui se soumettaient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui unifiez, muwahhidina lillahi mukhlisina lahu al-ibada, que vous unifiez Allah subhanahu wa ta'ala et que vous lui rendez un culte et une adoration pure et sincère uniquement pour lui. Wa qala an bani Israil lamma dhakara at-Tawrah يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أسلموا أي إنقادوا لله. Donc à propos des fils d'Israël, il a mentionné que c'était écrit dans la Torah, ou il a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lorsqu'il a parlé de la Torah, il dit que les prophètes qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina aslamu, eh ben ils jugent selon cette Torah, ils jugent pour ceux qui sont juifs, et ainsi que ar-rabbaniyun, et les rabbins et les grands prêtres, etc., de ce qu'ils ont gardé du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était pour expliquer que ça c'était les juifs avant qu'ils dévient, et avant qu'ils renient leur messager, ils jugeaient selon la Torah et ils étaient sur le droit chemin, et ils respectaient les prophètes et des choses de ce genre. Mais c'est par la suite ils ont renié les messagers et ils ont renié le messager, ils ont transformé ou changé leur livre, donc ils ont dévié de cette façon. Mais Allah les a décrits, les prophètes, les a décrits comme étant des gens soumis, c'est-à-dire qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ça. Puis après le cheikh dit: إذن فالإسلام بمعناه العام يطلق ويراد به دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فالإسلام هو عبادة الله بما شرع. Donc, le cheikh il dit donc l'islam dans sa signification large, on l'applique et on l'utilise pour définir ou pour dire toute la religion de tous les messagers, pour expliquer que c'est la religion de tous les messagers, même si ils ont des lois et des règles qui sont parfois différentes, parce que la base c'est que l'islam c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, parce qu'il, en respectant ce qu'il nous a ordonné ou révélé à toutes les époques selon l'époque. C'est-à-dire, si c'est à l'époque de Moïse, c'est selon la loi de Moïse, pour le peuple de Moïse. Si c'est pour le peuple de Isa, c'est le peuple de Isa, et selon la loi et les règles appliquées et envoyées par Moussa, par Isa, et etc. et ainsi de suite. Et notre époque à nous, c'est l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu pour tous les peuples, les arabes et les non-arabes. Donc alhamdulillah rabbil alamin, son message est valable jusqu'à la fin des temps. Donc le cheikh il dit: fa'ibadatullahi bi shari'ati at-tawrati wa ibadatullahi bi shari'ati al-injil wa ibadatullah bi kulli shari'atin shar'aha Allah subhanahu wa ta'ala li anbiya'ihi, كل هذا إسلام وإنما تعدت الشرائع كما قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc le cheikh il dit donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sharia de la Torah et l'adoration d'Allah par la sharia de l'Injil ou l'adoration d'Allah par toutes les sharia que Allah a légiférées et qu'il a envoyées à ses messagers et à ses prophètes, tout ça c'est l'islam, même si les lois sont différentes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah dans le verset 48, et pour chacun d'entre eux nous leur avons donné une loi et une voie à suivre. Donc le cheikh il explique clairement ce point-là, puis il dit ولكن إذا نسخ شيء من هذه الشرائع فإن المنسوخ لا يجوز العمل به ومن عمل به لا يكون مسلما. Donc il dit que si par contre une des aspects de ces lois et de ces législations ont été abrogées, il n'est pas permis de les appliquer, et celui qui applique les parties ou les choses qui ont été abrogées, eh bien, il n'est pas musulman. وإنما يكون مسلما إذا عمل بالناسخ لأن العبد مأمور ومنهي. Il dit, il est uniquement musulman si il applique ce qui est abrogé et non ce qui est abrogé. Donc, l'islam est venu pour abroger tout ce qui était auparavant. Donc, tu ne peux plus adorer Allah par ce qui a été abrogé de ce qui a été révélé auparavant. Et le cheikh il dit parce que le serviteur est ordonné et interdit, c'est-à-dire on l'a commandé de faire des choses et on lui a interdit certaines choses. وهو متبع وهو يتبع ما أمر الله به بالامتثال وما نهى عنه بالاجتناب وهذا هو العبد. Donc il suit ce qu'Allah lui a commandé et il le met en application, et et ce qu'Allah a interdit il s'en éloigne, et ça c'est le serviteur, c'est ça l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما الذي يتبع هواه ويتبع رغبته ويتعصب لما هو عليه أو عليه آباؤه إن كان في الأصل وإن كان في الأصل مشروعا ثم نسخ فهذا لا يكون عبدا لله ولا يكون مسلما. Le cheikh dit, par contre, celui qui suit ses passions et qui suit ce qu'il désire, ce qu'il aime, et qui s'obstine à vouloir suivre ce qu'il suit ou ce que ses parents lui ont enseigné, même si à la base c'était légiféré ou révélé, mais que par la suite ça a été abrogé, donc celui qui agit de cette façon-là, il n'est pas un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman. فإنه إذا نسخ انتهى العمل به. S'il a été abrogé, eh ben on peut plus l'appliquer et agir en conséquence, c'est-à-dire on peut plus agir par ce qui respecte ces règles et ces commandements là. Il faut maintenant suivre qu'est-ce qui a été ordonné par la suite, c'est-à-dire le Coran aujourd'hui. فمن بقي على الدين المنسوخ فإنه يكون غير مسلم بل لا بد أن ينتقل إلى الدين الناسخ. Donc celui qui est resté sur une religion qui a été abrogée, comme le judaïsme, le christianisme, eh ben il n'est pas musulman. Ça répond à ceux qui prétendent que les juifs et les chrétiens sont des gens du livre et donc qu'ils sont des croyants, et ça c'est faux, parce que leur religion a été abrogée par l'islam, par le Coran et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on reconnaît et on croit aux messagers qui sont venus auparavant et on croit aux livres qui ont été révélés, sauf que le Coran est venu compléter ces révélations-là et il a pris le dessus et abrogé ce qui était révélé auparavant. Donc beaucoup de choses de ce qui a été révélé auparavant a été confirmé à la base, mais il y a d'autres règles qui n'étaient pas propices à tous les peuples et à toutes les époques par la suite, et c'est pour ça que le Coran est venu et il a complété et abrogé ce qui était là auparavant. Donc la personne qui est sur le christianisme ou sur le judaïsme ou une autre religion, eh bien il doit accepter la religion qui est venue, c'est-à-dire l'islam, sinon il n'est pas musulman. خذ مثلا لذلك, il dit prends par exemple, je pense qu'on va s'arrêter ici en fait, parce que là je vois que il y a un long passage qui est devant nous, et puis je vois l'heure, donc je pense que c'est préférable de s'arrêter ici. Et puis on continuera inshallah la semaine prochaine. Comment je pourrais dire, donc on va s'arrêter ici. Puis mashallah, c'est très intéressant comme on peut voir. Puis ça continue donc la semaine prochaine à la même heure inshallah. Et puis il serait possible que on puisse faire un autre cours durant la semaine, puisque maintenant j'aurai plus de temps libre. Alors peut-être que je discuterai avec certains d'entre vous pour voir ce qui serait possible de faire inshallah. Peut-être on pourrait rajouter un dars. J'ai plusieurs idées. On va y penser, puis je vais vous donner des détails à ce sujet-là la semaine prochaine inshallah. Donc pour l'instant je vous dis salam, et puis que Allah subhanahu wa ta'ala nous rende bénéfique ce qu'on a appris aujourd'hui, et qu'il nous mette parmi ceux qui entendent le bien et qui appliquent ce qu'ils ont entendu. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا وعلما وهدى وتوفيقا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.